équipes de Maxi France vous souhaitent une bonne et heureuse nouvelle année. Bonne et heureuse nouvelle année avec une nouvelle artiste Maxi France qui est rentrée dans la programmation il y a peu de temps de ça. C'est Dina avec son titre Loin de toi. Ah ouais, je m'étouffe. Nous sommes en direct pour vous remercier d'être avec nous. Oui, on vous souhaite une bonne année. On a tout le mois de janvier pour se souhaiter une bonne année 2021. Il y en a qui se souhaitent il y en a qui se souhaitent bon courage. Voilà, il faut le dire aussi. Alors, on va peut-être se souhaiter bonne année et bon courage pour l'année à venir. Ouais, il faut la prendre vraiment du bon côté cette année. Parce que forcément, on commence pas on commence pas forcément bien cette nouvelle année. Mais bon, il va falloir philosophiquement le prendre bien. Parce que bon, voilà. Hein, écoutez, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Au niveau musique, il va falloir que j'arrête de m'étouffer déjà. Ça commence bien. Elsa, Chimène Bali, je vous offre pour aller jusqu'à 18h. Il y a également Amir avec Longtemps. Ou encore, on va se faire plaisir tout de suite avec une voix qu'on aime beaucoup, puisqu'elle est bien atypique. Hein. C'est celle de Cœur de Pirate qui arrive tout de suite avec Comme des enfants. Allez, bonne fin d'après-midi. Tranquille avec Maxi France. On est bien, hein, pas de stress. Que de la musique française. Et du bon côté, ça c'est bien aussi. Alors tu vois comme tout se mêle.